Et puis on va annoncer la programmation du jour. Vas-y Antoine. Oui, donc il y aura le partage d'écoute, enfin qui commence maintenant au salon d'écoute avec d'Incise et ça dure à peu près une heure. Ensuite, à 17h, dans la salle de jeu, il y aura un concert estampillé famille et c'est Earth Loops avec des œuvres de Pauline Oliveros et Arvo Pärt. Je t'enverrai un message, Emma. Ce n'est pas une pièce qui va être diffusée, je t'enverrai un message, Emma, mais c'était un message personnel. À 19h, dans la grande salle, un concert du duo Elqvist Amaral avec des œuvres de Natacha Barrett, Carola Baucolt, Angelica Castello, qui était là en début de semaine, et puis Lisa Streich. Et enfin, 21h, on retourne au salon d'écoute, un concert dans l'Acousmonium intitulé Intersectionnalité sonore avec la présence d'Anna Maria Romano G. Et il faut donc que j'envoie ce message à Emma qui va s'occuper de faire la transition au salon d'écoute avec notre radio portable. Et le temps d'envoyer ce message sera aussi le temps de vous dire au revoir. Merci beaucoup d'avoir été là, nous écouter. On a eu beaucoup de plaisir ce matin encore. Et à demain. Bye bye.